C'est frère en vol, la foule gueule, sa folle bondée. La salle trompe des murs au sol. D'hier et de demain, dol, ça tout mon pilote. Mais dit reste mon homme demain. Je parle au gal, c'est chauve, quelle femme comme une fleur qui avec le temps perd ses pétales. J'ai le rude boy, c'est l'authentique confusion. À de nos fusillons, prenez moi dans leur tête. Agité n'est plus rebelle, ayant. C'est le public sans flamme. C'est que le son de caille, à le lyrics lance flamme. Test wham, c'est tout, tu crames. Appelle-moi le dragon pyromane. La compète débute à son rôle, fait clat, montant de main à front. À tête du 9-4 balles de main, on en bute pour rester en tête de marathon. Cette masse, yo, je chauffe au micro, sans comme à la lave d'un volcan. Ce qui sort de mon crâne, puis de ma bouche suffit en provoquer l'ébullition. Comme Mike, les semaines en bulle dans leur sommeil. S'aime le trouble, le son de caillage en double. La pieuvre sont des proies prises dans mes tentacules. Plus fort que vous, well, mal d'alphor, cachez-vous. Couvrez-vous, couchez-vous, 9-4 projectiles en approche. À l'abri, tous chez vous. Marie, pas faut que tu t'en méfies. Comme d'un boule massif, qu'à bois pas. Non, clash pas, on mâche pas nos mots. Tu nous bouges des pouches, car Dolta Doom, trip, frapper les bambous, nous et tripper les bambous. Clash pour la fast tech. Et le 9-4, Dragon et Medi. Que mon son prenne son envol. J'fais embarquer Babylone dans le même vol. Survolant une nécropole, j'ouvre la trappe au sol. Vivant, j'ai la chambre la vol. Son de caille, pas une chorale. Use pas la mélodie pour faire la morale. Pour les frères détenus, Babylone, j'tue. Pour les frères partis, on est en vol. J'ai pas compris, j'les hommes d'ambus durant leur sommeil. J'ai un peu guerre à l'état, pur malheureux, j'en suis la mauvaise craie. Tu vois son cas, j'en prête sur mon orchestre à te faire la même. Si tu te confesses, pas que tu dis tout juste à mer. Facile est le don d'être un génie de mon art. Compétence acquise pour un concard. La balle camarde pour les couches tard. Athlétique dans le coltard connard. Les athées je nique avant les comptards. Tout comme Dinam Rakaï habile pour mes bigots. T'as mon bigot. Un technique pour grand chelem. La bougnoule et quel dinam. De retour sur scène. Gal bouge tes bzazel si ceci le thème. Rakaï son système. Maîtrine femme de Macagène. Pour cette gueule bloc HLM. Booty dance. Holy pop au tard. Donc tout ça vous walkman. Mixtec un domaine à deux on est ma belle. De rude boys tout même. Dis son caille je t'aime. Rakaï en tandem. Sorti des fesses. Tout de l'écurie de ce système. À la facture et des temps modernes pour Babylone. Jamais seul, c'est moi la clé de du bordel. J'accumule mes perversions par multiples pensées. Ma chaîne a million personnel assoupli. J'ai des mines antipersonnelles. Tra les incrédules à la chaîne où les risques bastos. Quand j'éjacule sur scène, mêlé à l'hydrogène, irrite la caille en son système. Pour réduire ensemble le système. Plus de bique et crêle, du bloc HLM. Mon CP roulé mal, va aussi le ratio. J'aime pas qu'on reste les hommes.